Deuxième partie, on va dire ça comme ça, bien que ce ne soit pas la deuxième partie, mais en gros, l'idée, c'est d'aller voir plusieurs médecins qui ont pris position contre la première sortie du vaccin en janvier 2021. Donc là, c'est le deuxième docteur, c'est Yves Couvreur. C'est un micro ouvert qui date du 23 février 2022. Et Yves Couvreur m'avait demandé de faire un petit message avant de l'interview. Et donc, je vais la dire ici. Le conseil d'administration d'Hippocrate Belgium ASBL me demande pour l'interview d'hier de préciser ceci. Je suis président de l'ASBL Hippocrate Belgium, mais je m'exprime en mon nom propre. Voilà. Signé Yves. Alors, dire aussi que j'ai publié sur Facebook et que Facebook, il censure, je suis puni quoi, en gros, je peux pas diffuser sur Facebook, hein, parce qu'après, il y a un site qui s'appelle microouvert.be où on peut retrouver, heureusement, hein, qu'il y a ça quoi, qu'on puisse quand même en faire entendre une autre, d'autres idées, c'est même pas des idées, c'est bien plus profond, mais en tout cas... Cette phrase de dire tout ce qui ne va pas dans le sens d'une vaccination de masse, c'est de la désinformation. Hein, c'est ça qu'on m'a annoncé sur Facebook, que c'est dangereux de dépenser autre que de ne pas aller vers la vaccination, quoi, en gros. Hein. Et donc, on enlève votre message et vous ne pouvez plus le publier. Là, ça va faire bientôt une semaine. Donc, on supprime le post. Et basta, quoi, voilà. Je trouve que ça fait un peu froid dans le dos, tout ça, quand même. Hein. Donc, si vous voulez, je le répète, écouter d'autres médecins, des médecins qui parlent autrement que de dire vaccination, vaccination, c'est bien, vaccination, il faut, vaccination, eh bien, il y a moyen. Hein. Faut chercher, faut prendre le temps. Et donc, ici, c'est microouvert.be. Et on trouvera le troisième médecin la fois prochaine. Micro ouvert. Go, c'est parti. Alors un micro ouvert, waouh, c'est compliqué parce que c'est un énorme sujet. On aimerait bien prendre vraiment le temps, déjà qu'on prend le temps dans le micro ouvert, hein, c'est pas 5 minutes, on va développer pendant 55 minutes, allez, 56, 57, 58. J'ai en face de moi Yves Couvreur, qui est... je croyais que j'avais mes lunettes ici sur moi. Elles sont là, mes lunettes, hein, ouais. Attends, vas-y. Je suis anatomopathologiste, enfin en retraite maintenant, mais j'ai fait quand même 40 ans de pathologie. Et qu'est-ce que c'est, ça? Mais c'est la partie de la médecine qui sert à... Bon, quand on fait un prélèvement à quelqu'un, pas un prélèvement de sang, mais donc un prélèvement de tissu, au sens large du terme, c'est les anatomopathologistes qui examinent ça pour dire si c'est inflammatoire, si c'est néoplasique, pas néoplasique, bénin, malin. Voilà le rôle. Et l'autre partie, c'est essentiellement les autopsies pour déterminer les causes de la mort d'un individu. Ah, donc vous avez fait pas mal d'autopsies. Combien d'années dans tout ça? J'avais 41 ans d'anatomie pathologique. C'est difficile de dire combien d'autopsies j'ai pu faire sur 40 ans, mais plusieurs centaines en tout cas, oui. Et aujourd'hui, vous continuez à travailler? Non, aujourd'hui, je fais de la consultance. Depuis quand, ça? Depuis le 15 janvier. Ah, ok, c'est tout neuf, quoi. Ok. Donc, moi, j'avais envie de commencer comme ça. J'ai déjà rencontré Eric Bête, avec lequel vous aviez... je ne sais pas si... Oui, vous étiez un peu les initiateurs de cette directive du médecin, de l'ordre des médecins, comme on dit. Mais avant, pour qu'on comprenne, donc il y avait Yves Couvreur, Eric Bête, c'est un peu vous les initiateurs. C'était en janvier 2021. Et avant ça, c'est une question vraiment que j'ai envie de poser. Il faut que je la pose. Après, voilà. Mais depuis le Covid qui démarre en mars 2020... Vous êtes les premiers docteurs à ce moment-là à faire entendre votre voix ou bien non, là, je me trompe, et vous prenez une initiative? C'est pas tout à fait exact. Je pense qu'il faut... ce sont des gens comme Pierre Brier, donc un ami ORL. Je pense aussi Frédéric Goreger, tous des amis, évidemment, qui déjà, vers juin-juillet 2020, alertent en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la prise en charge de cette affaire du Covid. Et alors la réflexion n'a fait que se déployer puisque j'ai rencontré Éric Bette, Hilde de Smet, grâce à Pierre Brier, dans les locaux de l'avocat Janssen à l'avenue Louise. Je pense que c'était fin 2020. Et puis ça n'a fait croître et embellir avec l'apparition évidemment du vaccin. Mais donc, il y a quand même des médecins qui se bougent. Mais comment ça se passe dans votre milieu? Parce qu'au niveau, par exemple, des médias, on entend, ou alors que je me trompe, on n'entend pas trop parler. Du côté des médecins, ça, comment ça se passe une fois qu'on est confiné, une fois que vous ne pouvez pas soigner, les médecins traitants ne peuvent pas avoir accès à leurs patients? D'ailleurs, ça m'a laissé pantois, cette affaire-là, parce que bon, j'ai le privilège de l'âge d'avoir connu l'épidémie de sida. Mon épouse est également anatomopathologiste et nous avons fait des autopsies de patients sida. Ça n'était pas une question qu'il fallait discuter ou pas, il fallait comprendre ce qui se passait. Et c'était une maladie dangereuse et sans aucun traitement à l'époque. Donc on risquait notre vie. Mes collègues qui étaient pneumologues n'ont jamais réussi. Je ne comprends pas quand vous dites on risquait notre vie. Ah oui, parce que si vous faites une autopsie de quelqu'un qui a le sida, vous vous coupez, vous êtes contaminé, vous avez attrapé le sida probablement. Ok, c'est dans ce sens-là que vous voulez. Donc on risquait notre peau, accessoirement aussi avec l'hépatite B, il n'y a pas encore de vaccin, parce que. On peut dire qu'on était anti-vax complètement, même si on peut réfléchir à la pertinence du vaccin hépatite B. Il y avait l'hépatite C qui rôdait aussi. On avait quand même aussi la tuberculose. On a fait des autopsies de patients tuberculeux. Et nos confrères à l'époque, ça ne leur venait même pas à l'idée d'abandonner des patients ou sida, ou tuberculeux, ou hépatite B en disant « moi, je ne vous soigne pas parce que vous êtes devenu trop dangereux ». Alors qu'au début de l'épidémie, donc début 2020, Covid, on se soit tenu un peu à carreau, ne sachant pas à quelle bestiole on avait affaire. Les docteurs. Les médecins, oui. Ça, je peux le comprendre pendant quelques mois. Ça, je peux l'admettre. Et moi qui ne suis pas médecin, je peux le comprendre aussi. Mais à partir du moment où il était assez clair que les populations à risque, c'était évidemment les personnes de 85+, que le taux de mortalité chez les personnes jeunes était visiblement faible, on aurait pu très rapidement larguer ça et reprendre une vie médicale normale et une vie économique normale, tout. C'est-à-dire qu'on sentait bien qu'on arrivait sur les chiffres d'une grippe. Alors, je n'ai pas dit que le Covid était une grippe, et pour en avoir traité une cinquantaine, je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas une grippe. C'est un adversaire artificiel qui a été créé pour nous emmerder, comme dirait le président Macron. Et c'est réussi parce que 50 patients, c'est 50 patients différents. Donc je ne vois pas comment on peut faire de la médecine comme ça, prête à porter. Donc pour moi, il était absolument aberrant qu'à partir du mois de juillet-août 2020, la société ne soit pas remise complètement sur ses pieds et qu'on ait traité cette affaire avec les médicaments qui étaient déjà disponibles, comme l'ivermectine, comme l'hydroxychloroquine. Petite parenthèse. Oui. Vous avez déjà l'air de comprendre au mois d'août, et même 3 mois après mars 2020, hein, au tout début de cette crise Covid. Mais vous lisez quoi et vous vous renseignez où? Parce qu'on a l'impression que la majorité, la masse... Vous voyez, il y a des conflits. Hein, par où vous tirez vos renseignements? Parce qu'on dit beaucoup, oui, mais c'est, les chiffres, ça raconte n'importe quoi. Voilà. Et moi, ça aussi, j'ai du mal à comprendre. Alors, comment on se renseigne? D'abord, on n'écoute pas les médias classiques. Donc, ça veut dire qu'on évite d'écouter la RTBF, TVF1 et des cochonneries pareilles. On voit bien qu'aujourd'hui, en 2021, par exemple, CNN a perdu 90% de son audience, ce qui n'est jamais que justice. J'espère que la RTBF suivra le même tracé sympathique. Donc, on se renseigne de manière alternative. On écoute des gens qui ont quand même... de la bouteille et une vraie réputation comme le professeur Raoult. On se demande pourquoi des médicaments comme l'hydroxychloroquine, début janvier, sous la houlette de Mme Buzyn, mais qui est évidemment téléguidée par d'autres forces derrière, décrète que l'hydroxychloroquine, qui a été prescrite par milliards de doses sans problème, est devenue un produit vénéneux. On se rend bien compte que là, il y a déjà un début de magouille. Donc pour ceux qui veulent bien réfléchir un peu... Il devient difficile à partir du mois de juin-juillet 2020 de ne pas se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on voit bien que de l'autre côté, c'est-à-dire le pouvoir, avec un grand P, on a déjà un autre projet en tête, c'est celui du, entre guillemets, vaccin. Bon. Alors, on se dit, ben, c'est un virus à ARN, on ne voit pas très bien comment on va faire un vaccin, parce que si ça pouvait se faire, ça se serait déjà fait. C'est un virus ARN comme le... Comme l'hépatite C, comme le sida. Et donc, on sait bien que depuis 40 ans qu'on connaît le VIH, qui n'est pas la seule cause du sida, hein, faut bien le préciser d'ailleurs. Excuse-moi de te couper tout le temps, hein, c'est parce que pour toi, ça a l'air évident, mais quand on est novice en la matière, alors moi je précise, les médecins, je les aime pas, quoi. Ce sont des imposteurs, c'est vraiment eux qui font marcher le business de la pharmacie. Il paraît que c'est le plus gros business, plus gros que l'armement, c'est vrai ça? Oui, très probablement. Très probablement. Très probablement. Et c'est un business qui a quand même été capturé depuis longtemps par l'industrie pharmaceutique. Et je l'avais déjà dit l'année dernière, bon, ben, c'est M. Rockefeller, à qui on fait le reproche au début du XXe siècle de gagner trop bien sa vie et d'avoir établi des monopoles, qui dit ben, qu'à cela ne tienne, je vais devenir très généreux, je vais faire des fondations. Alors, en faisant des fondations, il capture toute la médecine, il capture aussi toute la littérature scientifique, parce que c'est un fin renard, et ça n'a pas changé depuis lors. C'est toujours la même chose. Et quand on vient de voir, comme l'année dernière, des scandales à répétition, comme celui du Lancet, où sont des fausses études dirigées par des vraies actrices porno, on se dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est énorme quand même, parce qu'on n'arrête pas de parler du Lancet. Moi, quand je n'y connais rien, on dit que c'est la revue spécialisée scientifique. Oui, c'est là qu'on voit qu'on n'est plus dans la science et qu'on est dans la religion. Et ce que j'ai vu apparaître, disons à ma génération et par rapport encore à celle qui était avant moi, est une disparition complète de l'esprit critique et du bon sens pour ce qu'on appelle maintenant l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur, on va dire, les preuves. Mais les preuves, on sait comment c'est fait. Et quand on sait qu'aujourd'hui, c'est Pfizer qui contrôle Pfizer, c'est vraiment dire que c'est Al Capone qui est nommé à la justice aux États-Unis. Bon, bah, effectivement, les statistiques de la délinquance à Chicago ne sont pas exactement les chiffres réels. On en est là. Et non, mais ça veut dire qu'il y a un degré de corruption balèze, quoi. Mais depuis longtemps, ça, déjà. Total. Mais c'est exactement ce que j'ai dit aussi il y a un an, je me répète. Mais je ne suis pas persuadé que mes confrères soient des gens corrompus au sens classique du terme. Donc les médecins comme vous ? Je pense qu'ils ont été formatés, ce serait le terme plus exact, et maintenant on confond science et religiosité. D'ailleurs, l'ordre des médecins utilise un concept qui m'a beaucoup fait rire, qui est celui du consensus scientifique, c'est-à-dire une chose et son contraire dans la même expression, puisque la science est justement le refus du consensus, puisque c'est la remise en question systématique des connaissances d'un moment, et que d'un jour à l'autre, les certitudes de la veille peuvent être balayées. Eh bien non, ici, il y a une espèce de la science, ça se fait au nombre, puisqu'il y a autant de scientifiques qui pensent la même chose, ben, c'est qu'ils ont raison, ben, comme Einstein avait certainement tort avec la relativité, puisque les autres pensaient le contraire. On en est là, et les médecins, malheureusement, ont abandonné beaucoup de leur sens commun, beaucoup de leur sens des responsabilités et ont délégué et ne sont plus aujourd'hui en capacité d'agir comme des êtres libres. Et ça pose de très grosses questions. Parce que c'est ça le début de l'histoire. Hein. Moi, excuse-moi, mais je focalise un peu là-dessus. Après, tu m'emmènes où tu veux. Hein. Moi, je tutoie facilement, hein, avec tout le respect. C'est que on a l'impression... Puisque moi, c'est vraiment pas mon domaine, et d'ailleurs, je vais voir le médecin, il pourrait me raconter n'importe quoi, je dirais « Ok, c'est lui le médecin ». On est tellement, nous, individus, dépossédés de notre santé, qu'on est obligé de s'en remettre à des gens, voilà, à des gens qui peuvent raconter n'importe quoi. Et ma question, c'était les médecins. Il y a combien de médecins en Belgique ? Même du côté Flandre, hein, ouais. Donc, je dirais en Belgique, les chiffres totaux, je dirais que ça doit être autour de 30 000 médecins, oui. Et quoi, sur ces 30 000 médecins, une fois que tout tombe, avec le confinement, avec... Voilà, vous vous posez des questions, vous réfléchissez et tout, et vous vous rendez compte que tout ça, bon, ça tient pas debout, c'est un peu n'importe quoi. Combien de médecins en Belgique prennent... C'est juste ça que j'avais envie de savoir, puisque c'est votre domaine, hein. Combien de médecins prennent, comme vous... la plume pour écrire Quand je dis la plume, c'est une manière de parler, hein, avec Eric Beth et d'autres médecins. Vous vous mettez ensemble pour contrer une directive que l'Ordre des médecins a envoyée par rapport au tout vaccinal. Tout à fait. Voilà. Combien de médecins se mobilisent ? Moi, je ne fais pas partie des groupes de sondage d'opinion, donc je ne peux pas dire exactement combien de médecins étaient réfractaires à l'ambiance, on va dire, classique formatée. Mais à la grosse louche, je dirais quelques pourcents, pas plus. Maintenant, il y a un deuxième cercle de médecins qui n'en pensaient pas moins, mais qui ne voulaient pas le dire. On peut dire que des médecins qui pouvaient être sceptiques, à la grosse louche, je dirais 15%. Voilà. Mais quoi, donc vous êtes... Parce que tu m'as expliqué qu'il y avait encore un autre médecin avant vous. Voilà, vous êtes là, vous prenez position. Je dirais qu'Eric Beth a quand même pris position 10 ans avant, puisqu'il avait déjà pris position contre la vaccination H1N1, qui a donné d'ailleurs un certain nombre de narcolepsies, c'est-à-dire de gens qui s'endorment comme ça spontanément, consécutifs au vaccin. Alors je sais bien que M. Gates dit « l'autisme n'a rien à voir, la narcolepsie n'a rien à voir ». Je sais bien que le vaccin n'a rien à voir avec rien, et c'est un médicament formidable qui n'a aucun effet secondaire, ce qui est absolument magnifique et qui est probablement le fruit du consensus scientifique. Vous le dites cyniquement, parce qu'on limite, on ne l'entend pas vraiment quand on vous voit pas. Qui est le fruit de ce qu'on appelle aujourd'hui le consensus scientifique, c'est-à-dire que si vous ne pensez pas comme ça, vous pensez mal. C'est vraiment l'orthodoxie au sens étymologique du terme. Donc Eric était certainement un des pionniers dans cette affaire. Dans l'affaire de remettre en route les questions en 2020, je pense que Pierre Briet était, il ne m'en voudra pas de le citer, était certainement une cheville ouvrière. Et c'est lui que j'ai contacté, je m'en souviens encore ici au mois d'août. J'avais eu de vagues rapports avec lui puisque je suis anatomopathologiste et lui ORL. Et voilà, et alors après les choses se sont rapidement dégradées encore. Parce que là, on a senti qu'il y avait autre chose que de la science, autre chose que de la médecine, qui avait vraiment un plan concerté pour obtenir un résultat qu'on n'était pas parvenu à obtenir clairement en 2010 ou 2009-2010 avec la H1N. On avait vraiment l'impression qu'il y avait une répétition générale en 2009. Mais qu'elle n'a pas pris. Eric Beth dit que c'est... Quand je lui ai posé la question, comment ça se fait que ça n'a pas pris là ? Il a dit que c'était... j'ai retenu maintenant. Les médias n'ont pas pris... Oui, alors là, c'est une partie de l'explication, à mon avis, mais ce n'est pas suffisant. Je crois que pendant 10 ans encore, les médecins ont travaillé au corps pour accepter le message qui allait leur être fourni. Je signale quand même qu'en 2019, en septembre, il y a une curieuse réunion où la bande à Bill Gates dit « on va simuler une pandémie ». C'est des gens qui simulent bien, c'est des gens qui ont vraiment une préscience absolument extraordinaire. Évidemment, parfois, quand on organise les choses, c'est plus facile pour les prévoir. Et donc ces gens-là font un exercice de pandémie. Et effectivement, il y a une pandémie quelques mois, au mois de septembre. Mais quelle année ? 2019. Ça s'appelle Event 201, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, ils sont prêts. Et donc, les médecins ont été préparés encore progressivement. Les médias ont été préparés. L'épisode de Trump, c'était un ratage de toute cette belle bande. Et ils se sont dit, pas deux fois. Et d'ailleurs, effectivement, la deuxième fois, ils sont arrangés avec M. Biden pour faire mieux. C'est quoi l'épisode quand il arrive au pouvoir, oui, c'est ça? Oui, c'était pas prévu. C'était Mme Clinton qui devait l'être, puisqu'elle était adoubée par la secte. Et il y a eu une erreur de casting. Mais il a suffi de voir combien la presse a été acharnée au basque de Trump pour se rendre compte qu'il y avait aussi quelque chose de pas normal, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Donc ils avaient répété. Et alors pour le virus, ils se sont dit, finalement, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, on va le créer nous-mêmes. Donc ils se sont replongés dans les cahiers de Sanofi, Pasteur, qui en 2004 brevette un coronavirus sur lequel on a greffé une partie du gène de la malaria. Et puis en 2014, je crois à peu près, mais les dates, mais enfin, brevet existe aussi, où il rajoute à cette déjà chimère un morceau du VIH. Pourquoi d'ailleurs Montagnier va reconnaître son enfant dans le Covid en disant « mais il y a des séquences complètes du VIH dedans ». Probabilité strictement égale à zéro que ça se retrouve comme ça de manière aléatoire. Donc, ils ont là sous la main la bande à Fauci, Gates, M. Lévy, il faut nommer les criminels, Et donc, c'est une espèce de joint venture entre l'Institut Pasteur, qui brevette, le Fort Detrick aux États-Unis et le NIH, plus ou moins en cheville, pour des gains de fonction, c'est-à-dire rendre ce monstre plus agressif. Et comme Trump dit à Fauci, il n'est pas question de continuer à ça sur le territoire des États-Unis, eh bien, on délocalise et on va à Rouen faire un labo P4 grâce aux Français. Excellent. Donc, on a sous la main mais la bestiole qu'il nous faut. C'est-à-dire que c'est une bestiole qu'on crée soi-même. C'est beaucoup mieux que le H1N1 qu'on a un peu tripoté. Ça, c'était du bricolage, ça, ils l'ont compris. Mais avec alors évidemment, il y a eu toute la phraséologie sur le pangolin, cette malheureuse bestiole. Ben bon, ça ne trompe que ceux qui veulent être trompés. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus grand monde qui rejette l'hypothèse d'un virus artificiel. Non, mais ça, justement, je crois qu'il y a encore beaucoup de monde qui pense que c'est le pangolin et que si on pense que ce n'est pas le pangolin et que c'est une création, ben, c'est bon. Non, c'est pas si ça. Ça a un peu bougé. Ça a quand même bougé, je suis d'accord. Ça a un peu bougé, c'est-à-dire que quand on nous disait début 2020, quand on retrouvait ces séquences-là, qu'on était des complotistes, qui est plutôt une fleur à la boutonnière en ce qui me concerne, depuis lors, quand même, on voit j'ai repris des articles, j'ai copié cruellement des pages de certaines revues scientifiques qui disaient mais non, c'est un virus naturel. Bah, les mêmes revues aujourd'hui mettent quand même de sérieux bémols et des doutes. Mais malheureusement, Internet a une bonne mémoire et j'ai fait des grandes captures d'écran. Ce qui permet par exemple aussi de voir que des gens qui se sont beaucoup manifestés pour promouvoir les masques, les vaccins et tutti quanti. Ben, bon, naturellement, on a des champions toutes catégories comme mon confrère Van Lathem ou M. Van Ranst, mais il y a des êtres un peu plus subtils comme M. Kopiters qui, naturellement, j'ai les captures d'écran de ce qu'il a raconté en 2020, extrêmement vaccinophile. Mais qu'il devient beaucoup moins avec le temps, parce que c'est un être subtil et qu'il a compris que le sol commençait à brûler sous ses pieds. Mais ça n'enlève rien à ce que j'estime être sa culpabilité. Mais continuons. Le vaccin, c'est une création. Pour quelle raison ? Alors, quand on a créé le virus, ils n'ont pas créé le virus juste pour s'amuser. Ils se sont rendus compte que ça pouvait être aussi extrêmement profitable financièrement. Mais c'est déjà énorme d'entendre ça. Enfin... Ils se sont rendus compte, évidemment, que c'était extrêmement profitable. Et d'ailleurs, l'avenir leur a donné raison. C'était extrêmement profitable. Alors, ce sont des chaînes d'ARN qu'on fait sur ordinateur. Hein. Donc, ils tapent les bases et ils sortent l'ARN comme ça à la chaîne. Donc, M. Fauci, avec son cynisme habituel, disait que les vaccins, c'était très bien quand on faisait pousser ça sur des cultures de cellules. Mais enfin, c'était encore du bricolage. Mais maintenant, on a beaucoup mieux, c'est-à-dire que ce sont les tissus humains qui vont fabriquer leur propre vaccin. Alors, ce qu'il oublie de dire quand même, c'est qu'ils fabriquent peut-être leur propre vaccin. Enfin, on leur injecte d'abord le poison dont ils sont chargés de se défendre. Ce qui, moi, me pose quand même un petit problème intellectuel et qui va, à mon avis, en poser de plus en plus gros bientôt. Mais ce que M. Fauci ne dit pas entre les lignes, c'est que les cultures de tissus ne sont pas dépourvues de danger. Et si on veut bien se souvenir qu'en Afrique, dans les années 60, il y a eu des morts en quantité, et ça je le sais par des gens de terrain, qui étaient inexplicables, mais qui se sont produites en même temps que les Américains venaient vacciner les populations noires contre, probablement, je pense, la poliomyélite. Et ce qui s'est passé, c'est ceci, c'est que des virus du type HIV ou le virus XMVR, donc on ne va pas entrer dans les détails, sont des contaminants des cultures cellulaires animales. Donc ce qui était un virus, on va dire, tranquille chez ces animaux-là, par exemple les singes, a été cultivé en laboratoire aux États-Unis pour fabriquer du vaccin. Mais on n'a pas seulement cultivé le virus de la poliomyélite dessus. Involontairement, on a cultivé le XMVR, on a cultivé le virus du sida, et on l'a réinjecté après aux malheureux Africains qui se sont trouvés dans une situation très difficile. Et là, les Africains, avec une petite dose d'ailleurs de mépris, on disait qu'ils avaient été mordus ou qu'ils avaient eu des relations avec les singes verts pour attraper le sida. Eh bien, pas du tout. Effectivement, ils ont eu des relations avec les singes verts, mais via des grands laboratoires américains. Waouh ! Tu me perds un peu, là. parce que tu étais tellement dedans, toi, que ça a l'air évident, monsieur truc et machin et bazar. Moi, tu me perds un peu, là. Revenir en arrière. Donc, qu'est-ce que je dois réécrire ? Non, mais la question, c'était pourquoi... Donc déjà, ça, entendre que ce vaccin est une création, mais c'est scandale. C'est une création. Pourquoi ? Voilà, ma question, c'était pourquoi ? Parce que ça a le mérite d'éviter le piège que je viens de raconter, c'est-à-dire les contaminations des cultures de virus sur des tissus animaux, puisqu'on repasse des virus de manière involontaire dans les cultures. Il n'y a pas que le virus qu'on vise qui pousse, il y en a d'autres. Et ceux-là, on ne les voit pas toujours. Et on les réinjecte aux malheureux qui sont dans le passage. Tandis qu'ici, M. Fauci s'est bien rendu compte que c'était un problème. Et il a dit, mais la solution est très simple. Nous allons faire produire les protéines virales, non pas sur des cultures, mais par l'individu lui-même. C'est une idée tout à fait géniale. Tu parles. C'est une idée absolument affolante. Puisque d'abord, on ne comprend pas pourquoi il faut empoisonner les gens pour qu'ils se défendent du poison. Surtout quand la maladie fait 0,2% de décès. Et encore, les chiffres maintenant ont été revus à la baisse parce qu'ils avaient été trafiqués à la hausse et tout le monde le sait maintenant. Ça, c'est une chose. Et donc, on ne voyait pas pourquoi il fallait absolument toutes affaires cessantes, ce soi-disant vaccin. Mais ça leur permet également de sortir des vaccins à la queue leu-leu comme ils veulent en modifiant dans une base de données sur un ordinateur la chaîne des, je crois, 30 000 nucléotides. Comme ils veulent. Alors c'est ça qu'on appelle ARN. C'est ça. Donc l'ARN, c'est un message, c'est une chaîne unique de base nucléique. Mais ça veut dire quoi exactement? Alors, c'est quoi? Bon, il y a un acronyme derrière ça? C'est un alpha. Le génome humain est un alpha, est un dictionnaire qui est écrit en quatre lettres différentes. Et c'est par paquet de trois lettres qu'on choisit, si vous voulez, un constituant du corps humain. C'est-à-dire qu'on lit, là, on lit le message et on le transforme en quelque chose de concret. On ne va pas entrer dans la machinerie ADN, ARN, c'est sans grand intérêt, quoique, simplement ici, on utilise le corps humain à son détriment, on utilise sa machinerie pour lui faire produire quelque chose dont il doit se défendre. Alors, le problème de ces génies qui ont fabriqué ça, ils ont dit, ben voilà, nous allons fabriquer un virus sauvage qui existe. On n'a jamais vraiment identifié, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, un agent infectieux, ça, c'est indubitable. Et on va fabriquer un vaccin avec ça. Alors, c'était un vaccin. On se demandait comment c'était possible d'aller aussi vite, puisqu'il faut parfois des années pour identifier le virus, et puis pour produire des vaccins, il faut des années également. Ici, en quelques mois, tout était fait. C'est logique, puisque ils avaient la séquence de base, puisqu'ils l'avaient produite à Wuhan, et que c'était évidemment assez facile de deviner que c'était la même séquence. Bon, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, une fois de plus. Alors, ces virus à ARN maintenant modifiés, on peut y injecter ce qu'on veut. C'est-à-dire, dans la séquence de l'ARN sauvage, donc on a retrouvé des séquences du VIH et de la malaria, mais on suspecte très fort qu'il y a également des séquences de la maladie à prion, c'est-à-dire celle qui donne la maladie de la vache folle. Parce que quand on peut fabriquer quelque chose par ordinateur, pourquoi se gêner de faire des copier-coller de tas de choses plus ou moins désagréables? Donc, Or, ce qui est quand même passionnant là-dedans aussi, c'est que maintenant, ils ont une espèce de mine d'or dans laquelle ils peuvent à la fois créer des virus de toutes pièces tout le temps et en même temps créer le soi-disant vaccin qui va avec. Mais c'est ça qu'on appelle un vaccin expérimental. C'est la première fois que ça se passe de cette manière-là. Ah, totalement, oui. Totalement. Donc c'est en plus une révolution. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Fauci. Donc ce n'est pas un menteur, lui, on le sait bien. Donc ici, c'est un truc révolutionnaire. Donc on aurait quand même pu attendre pour une maladie qui faisait 0,2% de décès de ne pas se lancer tête baissée dans un truc qu'on ne maîtrise pas du tout. Pas du tout, du tout. Et ils le disent. Donc, ils sont en phase expérimentale. On nous jette à la tête, mais non, ce n'est pas une phase expérimentale. Mais quand on regarde les documents même de Pfizer, on sait qu'on est en phase 3 et que la phase 3, c'est fin 2022 qu'elle se terminera. C'est quoi la phase 3? Alors, la phase 3, c'est quelque chose d'ailleurs de moralement répréhensible. On On essaie de tester après les phases 1 et les phases 2 qui montrent qu'il n'y a pas trop de dégâts. On ne sait d'ailleurs pas comment ils l'ont fait parce que les phases 1 et les phases 2, ils ont testé sur quelques dizaines de chimpanzés pendant quelques semaines. Alors ça, c'est des phases 1 et des phases 2 particulièrement accélérées. Hein, bon. Mais enfin, oublions ça, il y a des arrangements avec le Seigneur et surtout avec la FDA et le NIH qui sont des organismes épouvantablement corrompus. Et la NIH, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas un organisme public mais est un organisme privé. Comme la Federal Reserve aux États-Unis, les gens ne le savent pas, ce n'est pas un organisme public, c'est un conglomérat de banques privées. Donc il y a tromperie sur la marchandise aussi. Donc on en est là. Et la phase 3, donc on dit ceci, on va prendre X lot avec le vaccin réel et X lot avec, mettons, du sérum physiologique ou je ne sais pas quoi. Et on va voir dans les populations s'il y a un bénéfice à faire l'un ou à faire l'autre. Donc on essaie d'isoler, on fait des lots anonymisés, mais le fabricant sait que c'est soit un lot avec l'ARN, soit un lot avec l'eau physiologique. Bon. Mais quoi, ils font ça en vrai c'est... Oui, tout à fait. Donc, c'est tout à fait. Et c'est ce qui est d'ailleurs encore plus scandaleux. Donc, c'est qu'on utilise à grande échelle une population comme Kobe. Parce que si ces gens nous vantent que le Covid, c'est la peste noire, et qu'ils ont les moyens de nous en défendre, il est particulièrement odieux qu'on soustrait, par exemple, un quart de la population qui recevra du sérum physiologique. S'ils prétendent qu'on est devant un danger massif, alors c'est mettre en danger un quart de la population, ou 20%, j'en sais rien. Je ne connais pas, je ne suis pas sous le lit de M. Bourla. Donc c'est particulier. Faire une phase 3 dans des conditions pareilles, massives, est purement et simplement scandaleux. Et en plus, ça n'a pas de sens intellectuellement, puisque si c'est dangereux, et qui croient à leurs produits, il faudrait vacciner tout le monde. Or, ils prennent au hasard des cobayes à qui ils ne demandent pas, et qui pensent être vaccinés, et qui ne le sont pas, peut-être heureusement pour eux d'ailleurs, mais enfin, ça, c'est un autre problème. Mais c'est dingue, c'est parce que j'ai aussi entendu ça, des gens qui disaient qu'il y avait des placebos, comme on dit. Ah oui, mais c'est fait. La phase 3, c'est obligatoire qu'il y ait des placebos, puisque c'est, disons, l'organisme payeur, qui est souvent un organisme public, exige de la part du fabricant qu'il démontre que son produit est supérieur à un placebo. Ah, voilà. Donc, c'est une pure affaire financière. Donc, on se sert de je ne sais combien de millions de personnes, comme Kobe, pour prouver que ce qu'on injecte à l'un est supérieur de ce qu'on injecte à l'autre. Donc, ça n'a pas de sens d'un point de vue intellectuel. Je me répète, parce que si c'était la peste noire, comme tout le monde a voulu nous le faire croire début 2020, et que ça s'est révélé pas vrai, bah, c'était déjà un mensonge. Si c'était vraiment la peste noire, c'était scandaleux de soustraire un bon médicament à une bonne partie de la population simplement pour des raisons financières, pour prouver à l'organisme payeur que c'était mieux. Ceci dit, je pense que connaissant la bande à Pfizer, Moderna ici, ils ont dû facturer exactement au même prix le sérum physiologique que l'ARN fabriquait chez eux. Yves, c'est tout de suite énorme, hein, tout ça. Mais toi, tu te renseignes, parce que moi, j'aime bien aussi des fois prendre un peu de hauteur, parce que sinon, tu te renseignes comment? Comment t'as su, toi, que tout ce qu'on nous racontait, c'était du pipeau En fait, il n'y a pas une source. Donc, on évite, hein, comme je l'ai dit, tous les médias classiques. On fait très attention maintenant à la littérature dite scientifique, parce qu'on sait qu'elle est assez largement vérolée. Donc, on prend les expériences de terrain, on les recoupe, on recoupe les sources, et on confronte ça à la réalité. Et on parle entre nous. C'est qui entre nous? Entre médecins. Hein, puis, bon, moi, j'étais quand même comme anatomopathologiste, j'étais à la croisée quand même de plusieurs spécialités, donc je voyais un peu les choses se faire. Mais dire qu'il y a une source qui vous éclaire comme ça, qui vous fait passer de l'ombre à la lumière. Non, non, non. Non, mais la question, c'est vraiment, comment est-ce que tu arrives à croire un article que tu lis et l'autre pas? Enfin, tu vois comment... parce qu'il ne suffit pas que ce soit dans le Lancet, on l'a bien compris, pour que ce soit... Non. Et en même temps, sur Internet, il y a tout et n'importe quoi aussi, tu vois, on peut lire. C'est ça aussi. J'avoue que je suis paumée, quoi. En sachant que je suis critique, oui, c'est vrai, mais je suis paumée sur les discours, les histoires qu'on entend, c'est hallucinant. Des fois, ça sort tellement, ça devient de la science-fiction qu'on décroche, quoi. Oui, malheureusement, si c'était que de la science-fiction, ça serait pas trop grave. Malheureusement, on est devant quelque chose d'assez épouvantable. Et on découvre chaque fois. Alors, les sources, ben, on croise, bon, ces sources américaines, hein, comme Brighteon, et même sur YouTube. Par exemple, YouTube a beaucoup censuré au début 2020, puis ils se sont rendus compte qu'ils perdaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients qui allaient voir sur Rumble, sur Crowdbunker, des choses comme ça, et qui apprenaient des tas de choses intéressantes. Et comme CNN qui a perdu 90% de sa clientèle à force de mentir à tout le monde. Je ne sais plus qui a dit, on peut mentir à une personne tout le temps, on peut mentir à tout le monde une fois, mais on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Voilà. Donc les sources, il faut les croiser, il faut les recouper, et il faut, de nouveau, on bâtit une théorie en disant, mais c'est un mensonge, donc si c'est un mensonge, quelle est la réalité ? On bâtit un raisonnement sur cette réalité qu'on pense être la bonne version scientifique, et on la confronte aux résultats. Ça, c'est la méthode scientifique. Ce n'est pas le consensus scientifique. Oui, mais ce qui est dingue dans toute cette histoire, c'est que ce qu'on nous prépare est complètement fou, qu'on a du mal à le croire. Tu vois, c'est une simple phrase, ça. C'est complètement fou. Oui. Moi, je reprends les bons auteurs de propagande, à savoir Joseph Goebbels, qui disait ben, « un mensonge mille fois répété devient une vérité », donc il avait bien compris, Joseph, et plus c'est gros, plus ça passe. Parce qu'effectivement, quand on arrive à ce degré d'épouvante, parce qu'on arrive à quand même à un degré d'épouvante, l'esprit humain est ainsi fait qu'il refoule, il se fragmente, parce qu'il ne peut pas accepter une réalité aussi terrible, mais aussi terrifiante. Mais moi, je la comprends, voilà. Même si j'aime bien... la lucidité, tu vois, moi, je préfère savoir à quoi on joue, mais j'ai du mal quand même à croire à toute cette histoire, tu vois ce que je veux dire. Même si je peux me dire que l'être humain est quand même starbé, tu comprends? Oui, mais c'est tout le problème des théories scientifiques versus les théories, je dirais, de bon sens. De nouveau, je reviens à l'exemple de la physique quantique ou de la relativité générale. Ou, par exemple, en logique, des théorèmes qui... Bon, les mathématiciens pensaient au début du XXe siècle pouvoir tout démontrer de manière mécanique. Et puis un certain Kurt Gödel, qui est né un 28 avril, a démontré que ce n'était pas possible. On ne démontrerait qu'une toute petite partie. Ça a déstabilisé terriblement les logiciens et les mathématiciens à ce moment-là, qui pensaient pouvoir avoir une méthode de Saint Graal. Mais ils s'y sont faits. C'était un traumatisme. La physique quantique a été un traumatisme, y compris pour Einstein. Donc, toute théorie scientifique contient un certain degré de traumatisme qu'il faut accepter. Et en médecine, comme on joue, entre guillemets, avec les êtres humains, cette notion affective est décuplée. Et on ne peut pas imaginer un seul instant que des gens qui prétendent vouloir votre bien font votre mal. Oui. Voilà. Donc, Il y a des tas de constructions intellectuelles et affectives qui font barrage à une analyse froide, scientifique et glacée, parce que c'est trop pénible à entendre. Et dans toute cette histoire, qu'est-ce qui serait le plus pénible alors à entendre dans tout ce bazar ? Alors, bon, quand on est complétiste comme moi, on a une théorie générale et on sait ce que les gens d'en face, comme je dis, veulent. Monsieur Gates ne s'est jamais beaucoup gêné pour dire que nous étions 95% de trop. Monsieur Schwab a bien expliqué qu'il ne fallait qu'on ne possède plus rien, etc., etc. Donc tous ces gens nous expliquent ce qu'ils veulent. C'est une réduction massive de la population mondiale. Ils le disent. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Monsieur Gates ne me dit pas autre chose, je suis un eugéniste de père en fils. Il le dit. Soit. Enfin, c'est clair. Mais c'est assez difficile de croire que d'une main, M. Gates joue l'humaniste en voulant nous sauver avec ses vaccins, et de l'autre côté, estime que nous sommes 95% de trop. En tout cas, moi, intellectuellement, ça me pose une certaine difficulté. Par contre, si je sais qu'il veut liquider 95% de la population, ça devient tout à fait compréhensible. Alors, on en revient au vaccin, qui est évidemment le vecteur que ces gens ont choisi. Alors, ce vaccin, on vous injecte de l'ARN, mais l'ARN, c'est une partie de code génétique. Donc ils sont en train de modifier le code génétique humain, quoi qu'en disent les gens d'en face, en disant non, c'est de l'ARN, c'est pas de l'ADN. Ça n'est pas vrai. Il y a moyen de transcrire l'ARN en ADN et qui s'intègre dans le noyau de manière définitive et héréditaire. De surcroît, l'ARN peut contrôler les processus intranucléaires et aussi les protéines contrôlent les processus intranucléaires et intra-ARN. Donc il y a des boucles de rétroaction complètes dans le système cellulaire. À partir du moment où on vient hacker avec quelque chose d'extérieur, tout ce système, eh bien, c'est tout le système qui est hacké. Mais comment c'est possible, ça, déjà, de hacker à l'intérieur ? Le hacker, c'est l'ARN qu'ils injectent aux malheureux vaccinés et qui se transforme à l'intérieur de la cellule, soit, comme je viens de le dire, de manière définitive dans le génome, puisqu'il y a 15% des gens, je crois, qui ont ce qu'on appelle des transcriptases inverses, qui transcrivent l'ARN du vaccin, par exemple, et qui vont l'insérer dans le génome lui-même, donc il sera transmis à la descendance. Plus d'autres boucles de rétroaction dont je ne maîtrise pas toutes les subtilités, on ne va pas entrer là-dedans. Toujours est-il que c'est une véritable capture du système informatique, puisque la cellule est un système informatique. Cellule humaine. Humaine est un système informatique. Donc ils ont hacké le système informatique de la cellule humaine. D'ailleurs ils le disent, puisqu'ils font fabriquer par les cellules humaines la protéine spike. Alors on va y arriver à la protéine spike. Tous ces génies se sont dit, ben, nous avons un virus qui a une enveloppe avec laquelle il s'accroche aux cellules par ces petites griffes qui s'appellent les spikes en surface. Et ils se sont dit, ben, si on fait des anticorps, une réaction en tout cas immunitaire contre la spike, on va protéger le corps de l'infection. Oui, mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que la protéine spike elle-même était l'élément toxique. Donc on injecte et on fait fabriquer par le corps humain l'élément le plus toxique du virus. Et ça, ces génies ne l'avaient pas prévu. Ou bien ils l'avaient prévu, mais ça, je laisse ça aux auditeurs, le soin d'y réfléchir. Mon avis, c'est qu'ils l'avaient prévu, parce que ce sont de véritables psychopathes. Mais quoi, dans un langage plus simple, sans rentrer dans la cellule et tous les... Ça veut dire quoi, ça, tout ce que tu racontes ? Qu'ils se servent du corps humain comme d'une usine pour fabriquer ce qu'ils souhaitent qu'ils fabriquent. Ça s'appelle du hacking. Ouais, mais encore, quoi, parce que ça, tu restes flou, quoi. Enfin... Bon, pour moi, c'est assez clair, mais bon, je ne sais pas jusqu'à ce que je dois définir. Donc, à partir du moment où je dis que le système cellulaire est un système informatique, si on y injecte du code comme un virus informatique, on capture le système de production de la cellule visée. Voilà. Donc on en prend le contrôle. Donc comment je dirais, ce vaccin, ce virus, d'abord ce virus, ce vaccin, c'est la porte ouverte à venir nous squatter de l'intérieur. Moi j'ai déjà entendu aussi ça, mais comment c'est possible ? Ok, j'ai fait mon vaccin là 3 fois. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Je me transforme ? Comment concrètement, rationnellement, comment t'expliques ça ? Alors, d'abord, c'est une bonne question qu'il faudrait adresser à tous les petits génies qui ont fabriqué ce machin. Moi, je n'ai pas de réponse. Mais en tout, ce que je vois bien, c'est que, d'abord, au départ, ils nous avaient vendu ça en disant « Non, non, ça reste dans le muscle, ça ne va pas. » On s'est bien rendu compte dans les autopsies qui avaient été faites qu'il y en avait partout dans le corps humain. Ce que j'avais déjà dit il y a un an à Kairos. On en a retrouvé partout. Et on crée... Oui, d'ailleurs, tu disais à ce propos que les... Comment on appelle encore quand on ouvre le corps ? L'autopsie était interdite, mais quand même, il y a eu... Il y en a quelques-unes qui avaient été faites. Mais il y en a qui ont été faites après le vaccin aussi. Mmh. Et là, on s'est rendu compte que l'ARN vaccinal se retrouvait dans toutes les cellules du corps humain. Mmh. Alors, la protéine spike a la charmante propriété de s'attaquer à la fois au revêtement des vaisseaux et au système nerveux, parce qu'elle passe la barrière hématoméningée, ça veut dire qu'elle peut passer du sang au cerveau. D'ailleurs, il y a des expériences qui ont été faites sur des souris qui avaient été injectées avec la protéine spike, et elles sont toutes mortes après 6 semaines ou 2 mois d'une encéphalopathie bovine, c'est une encéphalopathie spongiforme. Pourquoi ? Parce qu'on suspecte qu'il y a aussi des motifs de maladie à prion dans ce fameux ARN que les génies Pfizer et compagnie injectent. Mais comme c'est un secret d'État, ils veulent pas dire ce qu'il y a dedans. Et j'ai moi-même... Ils veulent pas. J'ai écrit à Cienciano en disant, mais écoutez, on m'oblige à vacciner, puisque l'ordre m'oblige à faire de la propagande vaccinale et à vacciner. Et je voudrais savoir ce que j'injecte aux patients. Le type de Cienciano, qui n'est pas un médecin, mais un flic de formation, m'a dit, monsieur, vous n'avez pas le savoir, j'ai le texte sous les yeux. Mais ça, c'est quand même incroyable, ça. Monsieur, vous n'avez quand même pas le savoir. Ça, tu vois, j'ai du mal à comprendre. Je suis médecin. Je dois dire que le vaccin est... Voilà, c'est le... SF, et je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Alors, bien entendu, la protéine spike, on s'est rendu compte qu'elle était toxique par elle-même pour les vaisseaux. Et c'est vrai dans l'infection « sauvage », entre guillemets, mais évidemment encore plus à travers le vaccin. Et on voit bien qu'un certain nombre de personnes supportent très mal, particulièrement la troisième dose. Et moi, je trouve ça terrifiant de voir des jeunes... qui ne meurent jamais du Covid sauvage, mourir du vaccin ou avoir des thromboses de l'artère rétinienne. Voilà, je ne sais même pas comment c'est possible d'expliquer ça. Aujourd'hui, les assureurs américains ont augmenté leurs primes en 2022 de 256% par rapport à début 2021, sachant que le vaccin n'a été développé que depuis 6 mois quand ils ont fait leurs calculs. Bah, si on prolonge la courbe, il y a une augmentation de 5 fois de la mortalité depuis que le vaccin est mis en route. Et ça, ce n'est pas des complotistes dans mon genre qui le disent. Ce sont des gens tout à fait neutres, des assureurs qui ne voient que les chiffres et le pognon. Et eux, bah, c'est imparable. Alors, on peut me raconter ce qu'on veut. Mais à un moment donné, ça va se réveiller. Je veux dire, si des gens comme ça que tu viens de décrire... je ne sais pas s'ils vont alerter. Non, ils ne vont sûrement pas alerter, mais il va y avoir... C'est plus du complot, quoi. Ça, c'est clairement. Il y a plus de morts. Mais donc, c'est ça que je. C'est pareil. C'est une question que je me suis posée. On n'arrêtait pas de dire. Il y a plein de morts avec le vaccin. Mais pourquoi vous qui êtes médecin, vous qui êtes dans la science, vous qui êtes dans tout ça là que moi je maîtrise absolument pas, pourquoi vous ne démontrez pas A plus B que... C'est facile à expliquer. On a confié à Pfizer, par exemple, le soin de comptabiliser les effets secondaires de son propre vaccin. Donc je répète, c'est exactement comme si on donnait à Al Capone le soin de faire les statistiques de la délinquance à Chicago. Bon, voilà. Donc c'est, mais ça n'a pas l'air de gêner grand monde. Alors, pour répondre à votre question, nous, on peut faire des statistiques avec ce qu'on nous donne. Mais à partir du moment où vous avez des médecins qui ont vacciné, ou poussé à la vaccination, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils sont très enclins quand ils ont une jeune femme qui fait un infarctus à 22 ans, ou une rupture d'anévrisme dans 20-25 ans, ou des thromboses de l'artère rétinienne, ou des paralysies faciales. Ou des règles interrompues quand t'es tout jeune. Là, on vient de... ça commence à se réveiller. Vous croyez vraiment qu'ils vont aller déclarer ça comme effet secondaire du vaccin qu'ils ont proposé? Non, je pense pas. Donc, déjà, les systèmes de renseignement des effets secondaires du vaccin, on sait qu'ils sont fagotés de telle manière que c'est très difficile d'aller remplir une feuille d'effets secondaires vaccinales. Mais en plus, ceux qui seraient chargés de le remplir n'ont strictement aucune envie de le remplir. Et je pense que c'est le piège qui se referme. Et là, je voudrais quand même dire beaucoup de mal de la médecine actuelle, mais quand même plaider un petit peu en faveur de mes confrères. Ils sont arrivés à un point tel maintenant qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Depuis 2 ans, ils refusent d'accepter l'idée qu'il y a des traitements. Moi, j'ai traité 50 patients en Covid. Le seul qui a failli mourir, c'est celui qui vous parle. Bon. Donc, c'était d'ailleurs très déplorable de détériorer mes propres statistiques, mais enfin, c'était comme ça. Et donc, ils prétendent qu'il n'y a pas de traitement. Deux fois, je n'ai jamais entendu, il n'y a que le dafalgan. Bon, moi, quand je traite les gens à l'ivermectine, ils me téléphonent 3 heures après en disant « Docteur, c'est absolument extraordinaire, ça s'arrête. » Bon. Donc, il n'y a pas de traitement, mais il y en a un. Et le vaccin, c'est la seule solution, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, puisque personne ne sait de quoi on parle, puisque c'est un truc complètement expérimental, dont ils ne peuvent pas, absolument pas, me prétendre qu'ils connaissent les effets à court, moyen et long terme. Donc, comme ils se sont tellement engagés sur ce terrain-là, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Et c'est... Même pour la vérité. Surtout pour la vérité. Ben, oui, mais il faut se mettre à leur place. ils ont été induits en erreur. Par qui ? Et là, on ne va quand même pas citer les criminels. Hein, Monsieur Van Ranst, quand il présente sa liste, de son disclaimer, où il dit tous les conflits d'intérêts qu'il a, c'est une diapositive qui reste d'un dixième de seconde à l'écran. Bon, Monsieur Van Lathem a été comme cul et chemise avec les firmes pharmaceutiques pendant des années. Alors aujourd'hui, il prétend qu'il n'a plus de conflit d'intérêts. C'est vrai, mais enfin, il a été tellement mêlé à ça, et il ne peut pas dire le contraire, que c'est difficile pour lui de nier les connivences qu'il a pu avoir et qu'il a sans doute toujours. Monsieur Kopiter, c'est un moindre degré. Monsieur Emmanuel André, bon, c'est presque drôle jusqu'à un certain point, à quel point on s'imagine pas possible de raconter des histoires pareilles. Mais tous ces gens-là sont des experts qui ont été également manipulés par le pouvoir, utilisés. Plus ou moins consciemment, hein, c'est un peu comme ce champion cycliste qui avait été dopé à l'insu de son plein gré. Donc, voilà, ils en sont là. Eux ne peuvent plus faire marche arrière. Des gens un peu plus doués comme M. Kopiters ont compris qu'ils devaient la jouer beaucoup plus douce. Je pense que M. Van Lathem, à qui j'ai écrit d'ailleurs en lui disant « J'ai la lettre, mon cher confrère, j'espère que vous avez bien compris que maintenant la vérité est en train de se faire et que vous allez être proprement déchiqueté par tout le corps médical qui n'acceptera pas l'idée qu'il se soit trompé lui, mais par contre que vous les avez trompés et vous pouvez leur faire confiance pour qu'ils vous massacrent. Mais comme je suis chrétien et que je n'aime pas les lynchages, je vous défendrai, y compris jusqu'au jugement dernier. » Il y a longtemps de ce courrier ? Non, je l'ai écrit ça fin de l'année dernière. J'ai l'impression, la vague impression que frère Van Lathem, puisqu'il est franc-maçon, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, la joue un peu plus calme aussi. Peut-être l'âge, où il devient un peu raisonnable. En tout cas, il est certain que les experts sont le seul moyen psychologique de sortie de tout le corps médical dans ce pays. Et il est également le seul moyen de sortie pour le gouvernement qui s'est appuyé dessus. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça, les experts ? C'est que eux, à un moment donné, se regardent les choses en face et les disent tout haut, c'est ça que tu veux dire ? Non, on va leur dire, mais messieurs, vous êtes trompés et vous nous avez trompés depuis 2 ans. Oui, mais qui va dire ça ? Les médecins, quand ils commenceront à avoir des gros problèmes médico-légaux, avec les patients, avec les gens, avec monsieur, madame, tout le monde. Voilà, ils vont dire, mais écoutez, c'est pas moi, c'est on m'a dit de le faire. On m'a dit, ça sera monsieur Yves Van Lathem. Okay. Voilà. Et le gouvernement se retournera contre lui en disant, vous avez fait tout et n'importe quoi. Mais nous n'avons que fait que suivre les experts. Donc les experts sont au milieu de la corrida et ils ne vont pas s'en sortir. Et c'est ce que j'ai écrit à monsieur Van Lathem. Et bon, je reconnais qu'il y avait une partie un peu sadique dans ce que je lui écris, mais je pense que je lui ai fait prendre conscience du risque qu'il avait pris et qu'il prendrait à l'avenir en continuant dans la même voie. Donc, si vous voulez mon sentiment, cette épouvantable affaire de la vaccination et du Covid va s'arrêter. On le sent. On le sent, il y a des craquements. Même à l'ordre des médecins, il y a des craquements, on le sait. Mais les gens d'en face, ce que j'appelle la secte, sont des gens doués, sont des gens qui ont beaucoup de ressources. Et ils vont nous amener déjà d'autres catastrophes qui sont sur le feu. À savoir une catastrophe économico-financière, les banques vont sauter d'un jour à l'autre. L'inflation passe à travers le toit, les rayons vont se vider, c'est ce qu'ils veulent aussi. C'est ce que M. Schwab a dit. Il a dit qu'il y aura des ruptures d'approvisionnement. La secte nous dit toujours ce qu'elle va faire. M. Gates, avec son sourire diabolique comme chaque fois, nous a expliqué il y a quelques semaines que, ma foi, la variole, elle était dans les frigos. Mais on n'est jamais à l'abri d'une attaque bioterroriste qui ferait ressortir les frigos. Donc la secte a encore d'autres cartes en main. Alors pour ceux qui sont vraiment complotistes comme moi, et même qui sont des complotistes non seulement avoués mais joviaux, ils savent que le climat lui-même est dirigé par HARP, par exemple. Voilà, qu'est-ce que c'est ça ? Mais toi, Yves, j'ai entendu que tu avais, comment dire, vacciné tes 3 filles ? Alors, quand j'étais jeune médecin, j'étais un enthousiaste de la vaccination. Bon, pour une raison, quand j'étais petit, j'en ai eu relativement peu. Hein. J'ai eu tétanos, la variole encore. Et quand mes filles sont nées, donc dans les années 80-90, on était quand même dans la période plein sida. On était également dans la période beaucoup d'hépatite B. Et je savais, par mon expérience d'anatomopathologiste, que les hépatites B, ça pouvait produire dans 5 à 10 % des cas des hépatites chroniques et des cirrhoses au bout du compte. Donc, je n'ai pas tiqué quand on a revacciné mes filles contre les oreillons, contre la rubéole. Quoique la rubéole, finalement, bon, ben, ça s'adresse à qui? Ça menace qui? Les femmes enceintes. Ouais, mais tu vois, moi, je croyais que tu parlais du Covid, là. Ah, je croyais que quand tu parlais de cette anecdote... Non, c'était pas de ça que je parlais. Mais quoi, t'es un anti-vax, toi? Non, je ne suis pas un anti-vax, mais je voudrais bien que les vaccins ou le vaccin, le processus vaccinal, soit remis à plat complètement et qu'on fasse faire des études, non pas par les firmes pharmaceutiques sur les firmes pharmaceutiques, pas par M. Gates... mais que ça soit refait, non pas par des études du Lancet, dont on voit que parfois elles sont un peu, disons, étonnantes, et qu'elles soient refaites, qu'on remette le concept même du vaccin complètement à plat et de manière scientifique. C'est tout ce que je demande. Je ne suis pas un anti-vax par goût, par atavisme, mais je suis maintenant un vaccino-méfiant. Et je me dis que j'ai été trompé sur la marchandise pendant des années, avec cette vaccination qui s'est amplifiée. Enfin, Mme Buzyn, pour toujours revenir à elle, je crois qu'elle a imposé 13 vaccins à des mômes de moins de 6 mois. Enfin, c'est absolument ahurissant. Alors, je veux bien que ça n'a rien à voir avec l'autisme, ça n'a rien à voir avec la sclérose en plaques, mais enfin, j'ai quand même un peu des doutes. Donc, tout ce que je demande, c'est qu'on refasse une étude sérieuse. C'est un problème majeur. Si on fait de la science... on remet les théories régulièrement en question. Et on ne dit pas, vous êtes un charlatan parce que vous ne croyez pas au vaccin. Non, on dit, mais vous avez peut-être raison, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait ça. On va reprendre tous les vaccins, tous, et on va voir le rapport coût-bénéfice. Et on va l'étudier sérieusement, et sur le long terme. Il reste 2 minutes. Que dire sur tout ça? On a brossé le portrait, mais de nouveau, on aurait envie de t'arrêter, de dire qu'est-ce que tu viens de dire et machin. Mais voilà, les micros ouverts, on continuera à faire des rendez-vous et donner la parole. Mais voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur tout ça, toi, Yves? Ben, que nous ne sommes malheureusement qu'au prélude d'une catastrophe d'une ampleur inégalé dans l'histoire de l'humanité. J'avais terminé cette interview de Kairos l'année dernière par des paroles un petit peu sibyllines en disant que le système n'était pas réformable et qu'il devait être chamboulé. J'en suis encore beaucoup plus convaincu aujourd'hui, mais je crains fort que ce soit le système qui chamboule l'être humain. C'est lui qui gagne, quoi, du coup. C'est ce que je crains, et pas tellement parce que l'adversaire est fort en face. Il est fort, c'est exact. Mais je crains qu'il se soit adressé à la mauvaise part de l'être humain, c'est-à-dire pas la bonne partie lumineuse, individu, charité. Non, la partie noire de l'individu, c'est-à-dire la partie dangereuse, la partie mauvaise, et surtout la partie d'appartenance à un groupe de manière tout à fait robotique. Et je crains fort que ce soit cette partie-là de l'esprit humain qui soit en action, et qu'au bout du bout, nous sommes devant un processus quasiment philosophique où c'est le combat du bien et du mal, mais de l'être humain sur l'être humain lui-même. Et je ne suis pas convaincu que c'est la bonne partie de l'être humain qui va triompher. J'entends bien, mais il y a déjà eu ça dans l'histoire. Hein. Il y a déjà, enfin, tu vois, des horreurs oui. Pas possibles. Bah oui, il y a déjà eu. Hein. Oui, il y a déjà eu, mais c'est... Là, c'est une autre phase de l'évolution. Oui, le problème, c'est que même quand on avait des guerres mondiales, elles étaient quand même relativement localisées sur des terrains de plus en plus larges, je veux bien, mais enfin, elles étaient quand même localisées. Aujourd'hui, c'est une guerre mondiale de l'individu contre l'individu. Oui, mais quand tu penses à l'esclavagisme, quand tu penses au fascisme, au nazi, enfin, tu vois, c'était à côté de ce qui se prépare en termes quantitatifs. C'était un jeu d'enfant, une plaisanterie, un amusement pour Disneyland. Ok. Merci Yves. Merci.